Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. On continue avec un groupe qui ne fait pas de funk, mais qui fait partie de ma playlist, Culture Club. Je vous ai choisi un morceau pas trop connu, Miss Me Blind, un bon titre qui donne la pêche. Extrait de l'album Color by Numbers est paru en 1983. L'album figure d'ailleurs dans l'ouvrage de référence des 1001 albums qu'il faut avoir écouté durant toute sa vie. Alors je vais vous laisser le soin de vous faire une idée. Culture, ça manque. Miss me, I know you miss me, I know you miss me, blind. I'm not afraid to die. know you miss me blind. Pour ce dernier numéro de l'année, oh là là, calmez-vous. Pour ce dernier numéro de l'année, je ne peux pas ne pas diffuser un titre de France Jolie. France Jolie a sorti son premier album à la fin de l'été 79. Il s'appelle d'ailleurs France Jolie. Le premier 45 tours qui en est tiré, Come To Me, est classé numéro 1 disco. Cette chanson est un imparable tube de... comment ? Des discothèques, qui fait de son interprète la plus jeune numéro 1 des listes de vente aux États-Unis. Le second 45 tours de l'album est Don't Stop Dancing. Les phases 2 des singles Let Go et Playboy sont dans le même genre musical. Comme la majeure partie des disques du label Prélude, il est d'abord pensé pour les discothèques. De plus, cet album est aussi disponible dans un double album pour les DJ. En fait, il y a l'album classique et de l'autre côté, il y a les maxi, quoi. Face à cet énorme succès, France Jolie fait de nombreuses apparitions télévisées aux États-Unis. Elle a aussi fait la première partie du concert de Peach & Herb à Las Vegas. Et une autre de ses apparitions est celle qui a été faite en juillet 79 à Fire Island, quand elle a remplacé Donna Summer. Come to me. tous les fans de disco, YMCA reste incontournable. Alors oui, vous allez l'entendre demain, mais je me suis dit que ça vous ferait pas de mal de l'écouter aussi aujourd'hui. Sorti en 1978, le titre est extrait de l'album Cruising. Alors sans mentir, je pense que c'est l'une des chansons disco les plus connues et les plus célèbres du groupe. Alors information principale, fin janvier, je vous raconterai la saga des Village People. C'est parti. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Pour cet avant-dernier titre de l'année, on va se la faire soft. J'ai prévu Shadé, que l'on n'a pas entendu depuis un bout de temps. J'adore sa voix et surtout son rythme envoûtant. Alors, que choisir ? Je me lance et je vous passe Your Love is King, extrait de l'album Diamond Life, paru en 1984. C'est toujours bien d'écouter ce morceau l'avant-dernier jour de l'année. Love is king, crown you with my Conclure l'année avec un dernier morceau. Ce morceau a été composé à l'occasion du nouvel an 1977-1978 par le groupe Chic suite à son refus d'entrer dans une célèbre boîte de nuit new-yorkaise, le Club 54. La suite, vous la connaissez. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne année par avance. À l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye. Boy.